quand ça t'arrive, ce genre de grave blessure, toi, bien sûr, t'as envie de continuer ta carrière, mais t'as le médecin, le chirurgien qui te dit voilà, c'est fini. Même si ça s'arrête brutalement comme ça et que c'est dur, il faut penser que ça aurait pu être plus grave. Et, on peut pas, malheureusement, revenir sur des choses qu'on maîtrise pas. Présentez-vous qui je suis. Merde. On se prend pour qui? C'est bien, bro. Continue comme ça, bro. C'est bon. On va pas parler technico-tactique, de tactique, là, on va mal les troncher, puis voilà. Maintenant, le bouclier, c'est bon, le bouclier. Mais je veux dire, ce qui est beau, c'est l'aventure humaine, quoi. Après, bon, le bouclier, ouais, c'est un morceau de plage, il flotte, hein. Un pilier, un jour, lui a dit « Je t'ouvre la tête comme un livre ». Et Trinini lui a répondu « À quelle page ?» Et à chaque fois. Oui, donc aujourd'hui, je suis avec Mathieu Giudicelli, un ancien joueur de rugby, à qui il est malheureusement arrivé une mésaventure durant sa carrière. Donc on va parler de sa carrière aujourd'hui, de ce qui lui est arrivé, de comment il vit les choses et comment il se voit, et peut-être de plein d'autres choses encore. Voilà, on va essayer d'avoir la discussion la plus libre possible. Donc Mathieu, c'est un super pote à moi. On s'est connu en sélection jeune. Il est de Montpellier, moi j'étais de Toulon, et on a joué ensemble après pendant 4-5 ans à Montpellier en équipe de jeunes, avant de se retrouver un jour en pro D2, lui avec Biarritz, moi avec Albi. Donc voilà, le rugby nous a permis de créer une belle relation. On va essayer d'être le plus naturel possible aujourd'hui avec vous. Donc peut-être Mathieu, est-ce que tu pourrais te présenter aux gens qui nous écouteront? J'ai 28 ans, j'ai commencé le rugby à Montpellier à 8 ans, jusqu'à mes 22 ans, où j'ai fait toutes les catégories du club. Oui. Voilà, le CDF. Mais comme t'as dit, on a fait les sélections ensemble. Voilà. Ensuite, je suis parti à Mont-de-Marsan 3 ans. Ouais. Ça m'a un peu lancé, on va dire, au niveau pro. Parce que Montpellier, j'ai fait qu'un seul match en pro. Et à Mont-de-Marsan, déjà la première année, j'en ai fait un peu plus d'une quinzaine. Donc c'est l'année où Mont-de-Marsan était monté en top 14. Ouais, oui. C'est ça. Du coup, c'est ce qui m'a permis de me lancer, puis de couper aussi avec Montpellier, oui. L'espace familial et tout. Ça m'a permis de vachement grandir. Ensuite, après ces 3 ans, j'ai fait un an à Tarbes où j'ai connu quasiment la plus belle année de ma carrière où, oui. Où je me suis régalé, parce que c'était vraiment une aventure humaine extraordinaire. Et après 2 ans à Biarritz, où j'ai terminé ma carrière suite à un accident en mars 2018. Oui, donc il y a 9 mois, parce que là on fait l'interview en décembre 2018, donc il y a 9 mois de ça, mais qu'est-ce qui s'est passé concrètement, Mathieu? Ben en fait, suite à une mêlée, j'ai eu la jambe paralysée. Parce que j'ai eu deux grosses hernies lombaires qui sont sorties, donc j'ai dû être opéré en urgence pour déparalyser la jambe. Ça a été une opération lourde. Après ça, j'ai passé 15 jours du coup à l'hôpital à Bordeaux. J'ai passé ensuite 5 semaines au CERS de Cap-Breton. Et ensuite, je suis toujours en rééducation, j'ai toujours des séquelles, j'ai la jambe faible, j'ai des douleurs. Donc c'est toujours compliqué, quoi. Je peux pas marcher pendant plus de 20 minutes, je peux pas rester assis longtemps. Enfin, oui. Je suis bien qu'allongé, en gros, quoi. Et voilà, je vais sûrement me faire réopérer là. Enfin, je vais me faire opérer pour essayer d'avoir le moins de douleurs possible et voilà, essayer de récupérer ma jambe, même si le chirurgien m'a dit que j'aurai plus jamais la même jambe qu'avant l'accident. Quoi. Oui, la jambe sportive, réactive, mobile. Ouais, non, ouais. C'est, j'aurai toujours des séquelles par rapport à tout ça. Quoi. Oui. Ouais. Et dans ton quotidien, donc ça t'emmerde pour te déplacer. Et ouais, la douleur, c'est... comment tu la vis? Ben, j'ai un traitement hyper lourd où je prends de la morphine quand même. Je prends beaucoup de morphine. Donc ça me calme un peu, mais je sens toujours, j'ai toujours mal. J'ai plusieurs autres médicaments pour les nerfs et tout ça, pour la douleur. Mais malgré tout ça, j'ai toujours la douleur présente. Donc c'est pour ça qu'il faudra réopérer pour... atténuer. Ouais, pour essayer d'atténuer ça. Et voilà. Et donc les premières opérations que tu as subies, elles consistent en quoi? Ben, la première opération que j'ai subie, c'était vraiment dans l'urgence pour déparalyser la jambe, quoi. Ouais. Donc... C'était déjà une opération hyper lourde. Les prochaines, elles seront aussi lourdes, quoi. Donc c'est vraiment pas facile à vivre. Parce que par exemple la première, pendant 2 mois je pouvais pas marcher, je pouvais pas utiliser ma jambe. Là ça va être pareil. Donc c'est vraiment dur mentalement, tu sais, de pas marcher, d'être... voilà, d'être handicapé, hein, c'est ça. C'est vraiment c'est de l'invalidité. Oui. Voilà. Et pourquoi, entre guillemets, pourquoi ça t'est arrivé à toi? Ben, je sais pas. Je sais pas, ça arrive, une blessure, on ne peut pas savoir comment... quand ça arrive, ni la gravité, quoi. Mais ce que je sais, c'est que ça aurait pu être beaucoup plus grave et que j'aurais pu être sur fauteuil aujourd'hui, donc et ne plus pouvoir utiliser ma jambe gauche à vie. Donc déjà, ça m'aide à rester positif par rapport à tout ça, quoi. Oui. De se dire que ça aurait pu être plus grave et que au final, ben voilà. Je peux quand même un peu remarcher et je peux quand même mener une vie plus ou moins normale par rapport à quelqu'un qui est en fauteuil, quoi. Donc ça c'est ce qui m'aide un peu à relativiser, parce que d'arrêter sa carrière comme ça, c'est dur. Bien sûr. Donc voilà. Et t'as été accompagné dans tout ce processus? Ouais, j'ai été vachement accompagné. J'ai le club Biarritz qui a vachement été présent. Le syndicat des joueurs Proval qui a été hyper présent. Non, j'étais super accompagné. J'ai remercié beaucoup parce que sans eux, ça aurait été encore plus compliqué. Oui. Donc voilà. Et donc concrètement, c'est après une mêlée ou pendant une mêlée que la douleur a surgi? C'est pendant une mêlée, j'ai senti une grosse décharge dans ma jambe et du coup j'ai tout lâché, je me suis mis en position de sécurité et et après j'avais la jambe paralysée, donc transférée à l'hôpital. C'était déjà assez flippant, tu vois, de ne pas pouvoir bouger sa jambe. Donc c'était quand même assez dur. Mais bon, comme je t'ai dit, j'ai eu vraiment un accompagnement. Il y a Gonzalo Quesada qui a quitté le match où on était pour venir à l'hôpital avec moi. Oui. Il est resté avec moi jusqu'à 2h du mat. Non, franchement, j'étais pas seul. Oui. J'ai reçu beaucoup de soutien de tout le monde du rugby français. Tout le monde a beaucoup pensé à moi et ça m'a vraiment fait du bien et ça m'a permis de rester fort par rapport à tout ça, quoi. Et rapidement, t'as été positif ou fort dans la tronche? Ou t'as vraiment traîné ton spleen à un moment, t'as accepté et après ça allait mieux? Comment s'est passé? Franchement, quand ça t'arrive, ce genre de grave blessure, tu... Déjà, tu sais, t'es un peu perdu, tu sais pas trop comment réagir. Toi, bien sûr, t'as envie de continuer ta carrière, mais t'as le médecin, le chirurgien qui te dit « voilà, c'est fini ». Donc c'est dur à entendre. Et aussi, il faut relativiser et se dire que le rugby pro, c'est qu'une partie de la vie et que de toute façon, ça s'arrête un jour. Et que même si ça s'arrête brutalement comme ça et que c'est dur, il faut penser que ça aurait pu être plus grave. Et que voilà, on peut pas malheureusement revenir sur des choses qu'on maîtrise pas. Et pour le coup, t'as eu aucun signe avant-coureur ? Non, j'ai jamais eu de problème de dos. J'ai eu des problèmes au cervical. Oui. Cervical, ouais, j'étais pas mal. J'étais embêté un peu, mais sans vraiment non plus être embêté, parce que j'ai jamais été opéré. Mais en fait, j'avais jamais été opéré avant ça. Et non, j'avais jamais eu de problème en bas du dos, j'étais bien, quoi. Et voilà, comme quoi ça arrive. Ouais. Sans prévenir. Ouais. Et donc, pour ceux qui ne connaissent pas trop les termes médicaux, qui ne connaissent pas trop le monde du rugby, c'est quoi une hernie ? Et qu'est-ce qui s'est passé concrètement sur ton corps ? En fait, une hernie, c'est une vertèbre. Je suis pas du tout calé, ouais. Moi, médical non plus. Mais toi, t'en as compris quoi ? En gros, moi, ce que j'ai compris, c'est que le trou où passe le nerf sciatique, ouais. L'hernie, elle a été tellement forte qu'elle a bouché ce trou et c'est pour ça qu'en fait, ma jambe était paralysée. D'accord. Ça s'appelle une hernie foraminale. Ok. Et c'est pour ça que aussi par exemple là j'ai toujours des séquelles, je peux pas relever mon pied par exemple parce que le nerf a été écrasé et endommagé, tu vois. Ouais. Je peux pas relever le pied, donc j'ai le pied qui traîne. J'ai aussi musculairement parlant, j'ai des muscles qui fonctionnent pas. Du coup, parce que le nerf en fait c'est lui qui délivre le message aux muscles pour qu'ils se contractent ou qu'ils fassent leur boulot. Donc, d'accord. Vu qu'il est endommagé et qu'il a été écrasé, le message il passe pas. Et donc du coup, c'est pour ça que j'ai la jambe faible. Ouais. Voilà. Donc aujourd'hui tu boites ? Ouais. Légèrement ? Ouais. Mais c'est surtout le releveur du pied qui m'emmerde. Ouais. Le releveur du pied, les douleurs. Ok. Ouais, après j'ai passé des examens, tu sais, où ils t'envoient des... pour savoir quel muscle fonctionne ou pas. Ok. Ils t'envoient de l'électricité en fait dans les muscles et si ça... Voilà, si ça répond pas, en gros ça veut dire que le nerf à ce niveau là il est abîmé et que... Et que le muscle répond pas. Ok. Et Biarritz aussi, donc tu m'as dit que le club a été très proche de toi, les joueurs aussi. Ouais. Et il y avait une belle surprise qui a été relayée sur les réseaux sociaux. Ouais. Donc ça c'était combien de temps après ta mésaventure ? Ça c'était juste, je venais juste de revenir du CERS. Donc j'étais chez moi et j'étais arrivé chez moi il y a une vingtaine de minutes. Ah oui. Ouais. Et du coup, j'entends des gars chanter en bas de chez moi. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qu'ils font ? Et en fait, petit à petit, j'ai reconnu l'air. C'était une chanson que je leur chantais. Ils me demandaient tout le temps de leur chanter. D'accord. C'était l'hymne du S. Sébastia que je leur chantais. Et du coup, j'ai reconnu cette air et je suis sorti. Il y avait toute l'équipe en bas de chez moi, juste avant de partir faire le quart de finale à Grenoble. Quoi. Et ouais. Ça m'a fait vraiment hyper plaisir. Après, ils sont tous montés chez moi. Ouais. C'était 50 dans un 50 mètres carrés. Donc un peu compliqué, mais c'était hyper cool. Ouais. Enfin, fait un petit goûter là, tous ensemble. Après ils sont partis à leur match. Ça m'a vraiment fait hyper plaisir. Mais j'imagine. Ouais, franchement, c'est Gonzalo Quesada hein, qui a organisé tout. C'est vraiment. C'est là que tu vois qu'il y a encore quand même des valeurs dans le rugby. Dans le rugby pro ? Ouais, dans le rugby pro. Parce que. Franchement, c'est énorme ce qu'ils aient fait ça. Ouais. Voilà. Et bah du coup maintenant peut-être on va faire ta carrière à l'envers du coup de Biarritz jusqu'à Montpellier. Ouais. Donc Biarritz tu es arrivé combien de temps avant, une saison avant ou deux? Je suis arrivé en 2016. Ouais. 2016-2017. Juillet 2016. Ouais. Donc c'était ta deuxième saison là-bas. Ouais. J'ai fait une bonne première saison, même la deuxième saison, c'était une bonne saison aussi. Ouais. Je me blesse début mars, je crois, j'avais fait 15 feuilles de match pour 8 titulaires. Ouais. Donc il devait rester une dizaine de matchs, tu vois. Donc j'étais sur les bases de faire 20, peut-être 25 matchs, on sait pas. Oui, sur les 30. Ça. Sur les 30, donc non, je faisais une bonne saison aussi. La première saison, j'ai fait 21 ou 22 feuilles de match, je crois, pour une dizaine titulaires aussi. Mmh. Non, franchement, Biarritz, super groupe, super club, où j'ai eu du temps de jeu, où je me suis régalé. En plus, j'étais dans la fleur de l'âge, quoi, pour ouais. piller. C'est les années où tu commences à être un peu performant, quoi, où t'as passé le cap d'être jeune. Donc toi, en tant que pilier, tu le voyais à quoi que t'étais meilleur en mêlée, par exemple? Tu comprenais mieux les choses? En fait, t'as du recul sur les choses. Tu fais plus les choses pour les faire mécaniquement. T'es plus mécanique. Ouais. Et en gros, tu maîtrises plus ce que tu fais. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Après, pilier, ça dépend tellement de qui t'as avec toi, qui t'as derrière, qui t'as à côté. Donc de là, la performance, elle dépend de toi, mais elle dépend aussi beaucoup des autres. Quoi. Mais bon, par exemple, nous, quand on s'est connus, tu étais un super pilier de mêlée. Ouais. À 16 ans, tu étais l'un des seuls de notre génération qui comprenait grand-chose à la mêlée, en tout cas ton poste de pilier droit. Ouais, mais... Et t'avais besoin de dégâts à l'époque, quoi. Ouais, mais après, c'était pas le même niveau. Ouais, voilà. C'est-à-dire que en face, t'as des mecs qui sont performants. Même si t'es performant, c'est collectif, quoi. C'est un effort collectif. Tu peux plus faire... Même à l'époque, c'était d'autres règles. Oui. Donc à l'époque, t'avais toujours moyen de t'en sortir avec l'impact, en trichant un peu. Avec le bras, Maintenant, tu peux plus tricher vraiment. Maintenant, tu peux plus tricher vraiment, tu peux plus mettre d'impact, donc tu peux plus rentrer rapidement. C'est vraiment maintenant devenu un sport dans le sport. Mm. C'est devenu vraiment carré. Avant, c'était quand même... c'était à la vite fait, quoi, tu vois. C'était pas... Les mecs, il y a la moitié qui trichait, la moitié qui rentrait avant, oui. L'autre moitié qui poussait vers en haut. Enfin, maintenant, les règles, elles font que tu peux plus... maintenant, c'est loyal, quoi. T'as plus de tricheurs. Enfin, t'en as beaucoup moins. Ouais, comparer le niveau pro avec le niveau quand on était jeune, c'est incomparable. Oui, d'accord. Franchement, c'est... Au niveau jeune, si t'as un bon physique, tu peux t'en sortir. Au niveau pro, même si t'as un bon physique, si t'es pas technique, tu te fais défoncer. Quoi. Voilà. Donc non, c'est vraiment la technique et l'expérience qui comptent. Donc t'étais dans un âge où tu maîtrisais ton poste? À la fin. Ouais. Ouais. Biarritz. Ah ouais, c'est des années après, des années à faire la même chose. Ouais. Petit à petit, tu t'améliores sur certains points et t'en élimines d'autres. Moi, franchement, plus là j'y avançais, plus je me sentais bien, quoi, tu vois. Donc, en fait, tu comprends des choses petit à petit. Tu comprends des choses que tu comprenais pas et que tu savais pas avant pourquoi. Ouais. Bah, petit à petit, tu les comprends et t'arrives à te dire, peut-être si je fais ça, je serais mieux. Si je fais autrement. Si j'arrête de faire ça, ouais. Moi à la fin, après j'avais une routine exacte de tout ce qu'il fallait que je fasse et j'étais bien. Ouais. Ouais. Et ça, tu te l'es forgé plus tout seul que avec le coach. De toute façon, moi honnêtement, j'ai toujours fait tout seul. Ouais. La mêlée, ça prend pas vraiment. La mêlée, tu la prends sur le terrain, en la faisant. Tu peux pas, ils me font rire ceux qui... Il y en a des coachs, ils ont appris la mêlée dans les livres et après ils te donnent des cours. C'est des rigolos. Ouais. Ah ouais. Il y en a, théorie, nani nana. Non, si tu l'as pas vécu, tu peux pas savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Moi, franchement, quand tu l'as vécu de l'intérieur, tu sais exactement ce qu'il faut faire. Et après, tu arrives ou tu arrives pas. T'as des mecs aussi en face qui sont bons et qui sont meilleurs que toi et qui peuvent te prendre sur certaines mêlées. Ouais, bien sûr. Donc, non, c'est vraiment. Moi, franchement, je me suis fait tout seul. Je me suis toujours. T'es retour sur expérience. Ouais. Je me suis toujours remis en question, ouais. J'ai vu ce qui allait pas, j'ai essayé de changer, des fois ça marchait pas, j'ai essayé de rechanger, ça marchait. Des fois, tu oublies aussi, tu sais, des fois quand t'es dans le rouge et tout, tu oublies certaines choses, du coup qui font que tu vas être moins performant. Il ouais. Y a plein de paramètres qui rentrent en jeu, quoi. Mais après. De dire que quelqu'un peut t'apprendre la mêlée, il peut te donner quelques conseils quand tu vois de l'extérieur, mais ça va vraiment dépendre de ton mental et de la technique que tu y mets, quoi. Et que t'as déjà ? Ouais, que t'as déjà. Après, c'est dur, hein, c'est une phase de jeu dure. Ça dépend, comme je t'ai dit, vraiment de qui t'as derrière aussi. Si t'as deux poutres derrière, tu défonces tout le monde. Si t'as deux... Chamallows. Voilà. Deux cotons-tiges, c'est plus dur. Mais bon. Moi, franchement, je me souviens, à Tarbes, on avait sillonné Timani. Oui. C'était un boucher, quoi. On défonçait tout le monde. On défonçait tout le monde en mêlée. Parce qu'on était lourd, on avait un gros pack. Franchement, c'était un régal. Et après, du coup, quand t'as des. Quand tu as des mecs. Je dis pas qu'ils sont moins bons, hein, mais qui ont moins le profil de la mêlée, c'est plus dur, forcément, pour le pilier. Donc voilà, il y a tellement de paramètres qui vont rentrer en jeu que. C'est une vraie science. Ouais, franchement, ouais. C'est une vraie science, puis c'est un peu un apprentissage assez long, en fait. À part Demba, là. Ouais. Lui, il m'impressionne. Hein. Ouais. Franchement, lui, c'est un des meilleurs que j'ai vu. Ouais. On dirait un peu Slimani, tu sais, il y a 2-3 ans. Mais aussi jeune, d'être aussi performant, c'est impressionnant. Ouais. Lui, je le trouve... Ah oui, c'est quelque chose. Hein. Franchement, c'est une machine. Hein. Et tu conseillerais quoi à un minot là, de 18, 20 ans, pilier droit, pilier gauche, dans l'apprentissage de la mêlée, quoi? Ou dans la conduite de sa carrière? Qu'est-ce que je conseillerais il va faire son expérience tout seul. Oui. S'il arrive, il arrivera. Et s'il n'y arrive pas, c'est pas grave. Hein. C'est pas non plus la fin du monde. Je dirais d'être patient et de pas se mettre la pression pour rien. Quoi. Parce que souvent les piliers, dès qu'on rate une mêlée ou dès qu'on rate un match, qu'on se fait défoncer en match, quoi. Là, on a le mental à zéro. C'est dur, le premier critère de la performance. C'est la mêlée, c'est le plus important pour le pied. Mmh. Donc forcément, faut pas penser que sur la mêlée, mais il faut se compter. Ça va être 80% du job. Donc forcément, quand on fait une mauvaise performance, c'est dur, mais il faut se dire aussi qu'il faut progresser avec ça et se remettre en question, voir ce qui ne va pas, essayer de changer. Après, voilà, chacun est différent et chacun... Moi, comme j'ai pu être performant avec une certaine position, par exemple, un autre n'aimera pas du tout. Oui. Donc c'est vraiment individuel, on ne peut pas... C'est pas vrai qu'on peut coacher la position d'un pilier, c'est vraiment chacun à sa sauce. Et on peut coacher une mêlée en étant collectif et en coachant tout ce qu'il y a derrière, mais ceux qui sont piliers, c'est chacun fait comme il veut. Oui. Et tant que t'es en bonne position, que tu forces pas sur tes cervicales ou quoi, et que tu te blesses pas, si t'es performant, faut le garder. Ouais. Parce que moi, j'ai eu, par exemple, à Mont-de-Marsan, j'étais performant la première année. Ouais. Il y a un entraîneur qui est venu de la mêlée, un soi-disant entraîneur, qui est venu à partir de la deuxième année, qui j'étais performant, il m'a fait tout changer. Voilà. Et j'ai tout perdu, tous mes repères. Mmh. Voilà. Et ça, c'est pas possible. Ça, c'est... Ces gens-là, ils n'ont rien à faire dans un staff. Ils sont pas compétents. Et par exemple, un jeune de 23 ans, tout lui faire changer, tout ça parce qu'on a appris dans les livres ceci ou cela, c'est pas normal. Chacun est différent. Donc tout changer pour un pilier, c'est quoi ? C'est par exemple changer l'axe de poussée, changer les appuis, changer la liaison. Mmh. Avec le talon et avec l'adversaire. Avec le talon et l'adversaire. Ouais. C'est un tout. Ouais. Le mec, l'entraîneur, voilà. Ouais. Si on change tout alors que tout allait bien, c'est pas possible. Ouais. Donc sur tes deux années à Biarritz, il y a eu deux staffs différents aussi. Ouais. Il y avait, du coup, moi j'ai suivi Fred Garcia qui était l'entraîneur de Tarbes, oui, au BO. Donc la première année c'était Dari Carrère et Fred Garcia. Et la seconde année c'était Simon Raiwalui avec Gonzalo Quesada et Jack Isaac. Oui. Donc deux années avec deux staffs différents. La présidence de Biarritz avait changé de staff malgré votre demi-finale la première année. Comment le groupe l'a vécu, comment vous êtes remobilisé, parce que l'année d'après vous faites quand même aussi quart de finale. Après Biarritz c'est un club qui est à part, quoi. Il y a beaucoup de mouvements chaque année. Ouais. Donc les joueurs ils sont quand même assez habitués. Après voilà, on est allé en demi-finale. Les entraîneurs ils se sont fait virer, c'est dommage, ouais, mais. Après, nous les joueurs, on peut rien, on peut pas choisir pour le président. Oui. Et puis on était content aussi quand même Gonzalo Quesada vienne. Même si on était content aussi avec Dari Carrère et Fred. Hein. Oui, oui. Mais c'était pas une pipe qui venait, quoi. C'est ça, c'est que c'était un entraîneur international. On était quand même curieux aussi de savoir ce que ça allait donner avec lui, quoi. Donc Moi, franchement, avec les deux staffs, ça s'est hyper bien passé. Je les ai appréciés autant l'un que l'autre. Oui. Ça fait chier sur l'instant, mais les joueurs s'y font parce qu'on reste pro. Voilà, et qu'on veut rester performant et qu'il y avait de la curiosité. De toute façon, il n'y a pas de. Il n'y a rien à dire, hein, les joueurs. Les joueurs, ils ferment leur gueule. Ouais. Les joueurs, c'est pas voilà, c'est pas à eux de choisir. Ouais. Nous, on est là pour écouter et suivre un projet, le projet du club, et voilà. Okay. Forcément, j'étais déçu parce que moi, j'aimais bien Fred, mais après, ça s'est hyper bien passé aussi avec Simon et Gonzalo. Donc, j'étais déçu que ça se termine comme ça pour Fred, mais au final, j'ai aussi été très content d'avoir connu Gonzalo et Simon. Oui. Et du coup, Fred Garcia, tu l'avais connu à Tarbes, dans la plus belle année rugby de ta carrière, comme tu l'as dit, humainement. Qu'est-ce qui s'est passé cette année-là à Tarbes? Ben, en fait, ça devait être en novembre, je crois, octobre ou novembre. Le président, après un match qu'on venait de perdre en plus contre Bourgoin à la maison. Ouais, attends, il y avait eu combien ce match? C'était un match pourri dans l'ancienne. Putain, mais on gagnait 9-0 ou un truc comme ça. Non, on gagnait 21-3 à la mi-temps. Ok, c'est pas celui-là, ouais. Et en deuxième mi-temps, je suis sorti, voilà. Non, mais franchement, ils ont fait une super deuxième mi-temps, et ils sont revenus, ils nous ont gagné. Wow, magnifique, ouais. Franchement, impressionnant. Et du coup, après ce match-là, le président, il va sur le podium à la réception et tout, il dit que le club est dans un grand danger, qu'il va y avoir des sorties dans la presse. Et qu'en gros, on allait descendre. Et la semaine d'après, on avait une descente administrative et moins 15 points, je crois, au classement. Ah oui, d'accord. Donc les deux, tu vois. Donc on se retrouvait dernier de Pro D2, plus descente sur d'une division à la fin de la saison. Et en fait, ça nous a remobilisé. Et puis t'avais le président qui essayait d'arranger les pots cassés, quoi. Il était là, il essayait de s'y filer et tout. On avait souvent des réunions de crise et tout. Oui. Mais en fait, toute cette atmosphère, ça nous a permis de vraiment nous souder. Oui. Et au final, on a fini genre 10e du championnat avec. Après, on a récupéré 7 points, donc avec moins 8 points. Avec moins 8 points, on était 10e du championnat, quoi. Donc, franchement, on cassait la bouche à tout le monde. Enfin, devant. Derrière aussi, c'était costaud. Et on a vécu, surtout. C'était magique parce que tout le monde nous voyait déjà morts et nous on se battait parce qu'en gros le président il disait finissez par relégable et je vous jure qu'on sera en Pro D2 l'année prochaine. D'accord. Et donc nous on a tout fait pour ça et au final le club il est quand même descendu. Oui, en Fédéral 1. Ouais. Il y a eu la Fédéral 1 élite là, première année. Ouais. Ça. Ouais. Donc cette descente administrative a resserré les joueurs et vous a fait vivre une putain d'année. Ouais, c'est ça. Franchement, parce qu'il fallait sauver un club historique du rugby français. Puis tout l'engouement autour, les supporters, ils étaient à fond. Ouais. Enfin, c'était vraiment cool. Puis c'est une belle ville, Tarbes. Oui. Ça bouge beaucoup, c'est étudiant. Franchement, moi, je me suis régalé là-bas. Ouais. C'est vraiment cool. Il y a Pau à côté, qui est une grande ville aussi quand même. Oui. Et non, c'était hyper cool. Donc là-bas, t'avais 24-25 ans? Ouais, j'ai fait de 2015-16, donc 25-26 ans. 25-26. Et là, rugby Sigmund, tu te sentais comment? Donc là, t'étais bien équipé autour de toi en mêlée, c'est ça? Voilà, ouais. J'étais bien. Ouais. Ouais, on était bien. On avait un gros pack en fait. Ok. Franchement, on était costaud. ça m'a changé par rapport à Mont-de-Marsan, quoi. Oui. Parce qu'à Mont-de-Marsan, bon, déjà, je jouais pas trop. Enfin, 3 ans, j'ai dû faire une cinquantaine de matchs. Oui. Sans jamais trop enchaîner. Ouais, ouais, voilà. Et je m'entendais pas avec le staff. C'était un peu, là-bas, la vie, c'était un peu... Tu te fais chier, y a rien à faire. Ouais. T'es dans la forêt. Il pleut tout le temps. C'est une ville au milieu de la forêt ? Ouais, des quasiment, Landes, hein. Ouais. Ouais. Après, les gens sont très gentils, mais ça me correspondait pas. Oui. Moi qui venais de Montpellier, et oui. Enfin, de passer de Montpellier à Mont-de-Marsan, c'était assez dur, franchement. Ouais. En plus, j'ai pas. Enfin, il y avait un peu. C'était un peu des clans dans l'équipe, mais c'était pas. Je me suis pas régalé à Mont-de-Marsan, c'est pour ça que d'aller à Tarbes, ça m'a. En fait, j'ai revécu. Ouais. Voilà. C'est du bien. Tu revis quand tu te sens bien dans une ville, que tu te sens bien dans un groupe. C'est hyper important. C'est aussi important que les entraînements, quoi. Totalement. Donc, pareil, à Biarritz, je me sentais hyper bien. Dans le groupe, dans la ville. Là-bas, c'est magnifique. T'as 2500 trucs à faire. Non, à Biarritz et à Tarbes, je me suis régalé. Mont-de-Marsan, moi je pense que ça correspond plus à quelqu'un qui a une vie de famille, tu vois. D'accord. Qui a des enfants. Posé. Voilà, tu vois. Mm. Pas, pour les jeunes, c'est plus compliqué, je vais dire. Ok. Mais après, t'as une qualité de vie aussi, quoi. C'est pas trop mal. Du coup, ce club-là, t'avais récupéré de Montpellier. T'étais espoir deuxième année, ça, quand t'es parti ? J'avais 22 ans. Ouais, c'est l'année où. C'est notre dernière année espoir en fait. Ouais, ouais, donc 22 à 23. Non, là c'est ça, ouais. Ouais. T'avais signé combien ? T'avais signé un an ? Ou plus ? J'avais signé un an, ouais. Ouais. Il me restait un an de contrat à Montpellier. J'ai cassé mon contrat. Et j'ai dit, je pars à Mont-de-Marsan et je suis parti. Ok. J'ai tenté de jouer un peu parce que ça sert à rien de jouer en espoir. Oui. Donc. Je suis parti et ça s'est hyper bien passé la première année où je m'entendais bien avec Stéphane Prosper, avec Scott Murray aussi, c'était un bon gars. Ouais. Je m'entendais bien avec lui. Et après, avec Christophe Lossuc, ça a été un peu plus compliqué. On s'entendait bien aussi, mais moi aussi, de mon côté, j'avais un fort caractère. Ouais. Lui, il avait un fort caractère. Du coup, des fois, ça passait pas trop. Ouais, ouais. Mais c'est pas que de sa faute à lui, c'est de la faute à tous les deux. Et sur tes 3 années à Monde 2, t'as appris quoi ? Sur mes 3 années à Monde 2, déjà, j'ai grandi. Ça m'a fait du bien de partir de Montpellier. Oui. J'ai appris beaucoup de choses. Hein. C'est un peu là que tu deviens adulte, en gros. Même si t'as 21, 22 ans, quand t'es dans le rugby, que t'es au centre de formation, ouais, à Montpellier, c'est pas vraiment une vie d'adulte, quoi. Oui. On est un peu déconnecté de la vraie vie. Voilà. T'es un peu déconnecté de la vraie vie. Donc, on a le repas à payer. Voilà. Moi, en plus, ensemble. Je suis parti, il me restait un an de contrat. Oui. Je suis parti pour la moitié du salaire. Oui. Donc, je partais là-bas à 5 heures de route. J'étais payé deux fois moins, donc j'avais un SMIC. Oui. J'avais ma copine à l'époque qui est partie avec moi, qui était au RSA. Oui. Donc, on avait 1400 euros pour vivre à deux, quoi. Oui. Là, c'est pas la même. Exactement. Hein. Donc, personnellement, t'as grandi. J'ai grandi, j'étais pas dans le besoin non plus, oui. J'étais pas un clodo, mais j'ai grandi et j'ai un peu vu ce que c'était la vie, quoi, tu vois. Mmh. Même si voilà, je gagnais ma vie grâce au sport, j'ai quand même. Parce qu'il faut pas croire, c'est dur hein, pour les joueurs de Pro D2. des fois il vaut mieux jouer en fédéral 1, t'es mieux payé qu'un jeune de Pro D2. Les jeunes de Pro D2 jusqu'à leurs 22, 23, 24 ans, ils vont gagner 1500, même pas. Hein. Tout compris. Ouais. Donc c'est pas facile pour eux. Hein. Faut pas croire que le rugby pro c'est non plus une mine d'or pour tout le monde. Hein. T'en as beaucoup qui gagnent pas beaucoup d'argent. Donc c'est dur. Parce que c'est un métier qui est dur. Et en plus, t'es pas forcément bien payé. T'es jeune, donc t'es pas trop considéré. Enfin, c'est des étapes qui sont difficiles. C'est pas facile pour un jeune. À part si c'était un jeune qui surnage et que tu gagnes 10 000 euros par mois à 20 ans. Mmh. Mais il n'y en a pas beaucoup. Exactement. Donc c'est pas facile, mais après c'est sûr que ça vaut le coup d'être vécu aussi. Parce que quand t'es jeune, voilà, tu vois la vie différemment. Donc voilà. Après non, ça a été des périodes un peu dures. Ouais. Surtout qu'ils m'ont bloqué pour partir à Bordeaux. D'accord. Là justement j'avais signé un hyper bon contrat. Et ils m'ont bloqué pour me faire signer un contrat de. Enfin, voilà quoi. Ouais. Donc ça ouais, ça mais ça aussi je pense que c'est ce qui m'a. Parce qu'à la fin de la première année, du coup, milieu de première année, en décembre, je signe à Bordeaux. Ok. Et eux me bloquent jusqu'en mars-avril avec les indemnités. Avec des indemnités mais colossales alors que ça faisait 6 mois que j'étais là quoi. Ouais. Donc moi je comprenais pas du tout ça, on est rentré en conflit avec le club abusé. Ouais. Du coup l'OSUC après arrivé, après tout ça et tout, ça m'a mis un peu en porte-à-faux, tu vois. Et c'est pour ça aussi que je pense que j'étais pas épanoui là-bas. Parce qu'on m'a bloqué, tu vois. Ouais. Si je serais parti, je dis pas que j'aurais joué tous les matchs en top 14 à Bordeaux. Mais j'aurais gardé peut-être un meilleur souvenir de Mont-Marsan. Là, le fait qu'il m'ait bloqué ma carrière, ça m'a mis une balle dans le pied, quoi. Ouais. Et voilà, c'est dommageable. Parce que bloquer un jeune de 22 ans, franchement... C'est vraiment pauvre type. Ouais. Je te le dis. Et tout ça pour en plus pas trop me faire jouer après. J'ai dû faire 22 ou 23 matchs en 2 ans. Ouais. Sur 60. T'as compris quoi. Donc vraiment déçu de que ça soit passé comme ça. Avec l'équipe dirigeante. Quoi. Oui. Mais bon après c'est la vie. Et Montpellier t'avais laissé gratuitement partir à 22 en plus. Donc Montpellier, le club où tu avais toujours joué, où les indemnités de formation étaient vraiment importantes. Voilà. Suite à tes diverses sélections, tes nombreuses années dans le club, ils avaient consenti à un départ gratuit pour Mont-Marsan, pour lancer ta carrière. Quoi. Ouais, Montpellier, ils m'ont... Parce que Mont-Marsan n'aurait pas pu payer. S'ils m'avaient pas lâché gratuitement, je serais jamais allé à Mont-Marsan. Donc ils me lâchent gratuitement. Je signe un contrat en décembre avec Bordeaux. Et les autres, ils demandent 85 000 euros d'indemnité. Mais on marche sur la tête. Là. C'est une catastrophe. Pour 6 mois de club. Mais 6 mois sous la... Et voilà, après, voilà, oui, 6 mois sous le centre de formation, mais aussi 6 mois où j'ai pu m'exprimer au niveau pro. Et du coup, c'est un peu grâce à eux aussi que j'ai signé, que j'ai signé là-bas. C'est ça. Donc c'est un peu... Donnant-donnant. Donnant-donnant, voilà. Ouais. Tu peux pas c'est non ambigu, plus... quoi. Ouais, tu peux pas blâmer non plus. C'est un petit club qui a besoin d'argent et ils peuvent pas cracher sur... sur des indemnités qu'ils ont auxquelles ils peuvent prétendre. Ouais. Donc forcément, je te dis pas que si j'avais pas été à leur place, j'aurais fait pareil, mais j'aurais trouvé un moyen peut-être de m'arranger, en gros faire un match amical et avoir la recette. Ouais. Tu vois, avec l'UBB. Enfin, après c'est politique tout ça. Exactement. T'as plein de paramètres comme ça que tu peux pas... Que tu peux pas... Maîtriser, comprendre. Maîtriser, ouais. Et voilà, qui sont extérieurs à ta carrière. Une carrière, ouais. Moi j'en ai connu plein, des joueurs énormes qui au final ont rien fait parce qu'ils n'ont pas eu de chance, parce qu'ils sont blessés au mauvais moment, parce qu'ils sont rentrés dans un match où ils ont fait un match de merde, alors que les mecs ils avaient un potentiel énorme. Mmh. Et on en connaît tous les deux. Donc, totalement, ouais. Donc voilà, il y a plein de paramètres. Et du coup, pendant tes 14 années à Montpellier, t'as tout connu, toi, l'évolution du club, même de la ville, ouais. J'ai envie de dire. Le passage de Sabaté à du manoir, ouais. L'arrivée du rugby business. Ouais, j'ai toi, tu commences connu. Le rugby comment, pour quelle raison au début? Ben moi, je jouais au foot, au Lemasson, là. Ouais. Et bon, j'étais déjà costaud à l'époque, j'étais grand et j'étais gros. J'étais un gros bendo. Et le Maston, bon, c'est un quartier, hein, c'est un truc. C'est. Voilà, où. C'est pas la zone, mais c'est. C'est pas un quartier bourgeois, on va dire. Oui. Et. Dans l'équipe, j'étais le seul grand, gros. De cet âge-là, quoi. C'était. Si tôt. C'était en plus, comment dire, c'était un milieu, le foot, où, puis dans les quartiers où si t'es différent, on se fout de ta gueule, tu vois. D'accord. Et du coup, j'ai fait un an là-bas, et puis voilà, j'en ai marre qu'on me traite de gros et tout. Oui. Et mon grand-père, il m'a dit, bah, essaye le rugby. Ok. Et donc, du coup, je suis allé à Sabaté. J'ai fait un entraînement. Illustre stade à Sabaté. Voilà. Moi j'ai tout connu à Montpellier, j'étais dans les tribunes quand il y avait 100 personnes. Ouais. Et qu'ils jouaient contre des pompes. Je l'ai vu le club naître jusqu'à maintenant. Ouais. Donc maintenant il y a 15 000 personnes à chaque match. C'est ça. Le stade il est plein, il est neuf, enfin ça n'a rien à voir. Et après aussi c'était bien l'époque de Sabaté, je me régalais. Oui. Après, peut-être parce que j'étais petit aussi, j'avais pas le recul, mais pour moi c'était magique, quoi. C'était vraiment une belle époque. J'en garde de très très bons souvenirs. Ouais. Ouais. Et le rugby, ça a direct marché pour toi? Ouais. Ouais. T'as direct été bon dans les catégories de jeunes? Ouais, j'étais bon. J'étais un bon joueur. J'étais grand, j'étais costaud. Ouais. Je faisais la différence par rapport à ça. Après voilà, j'étais pas. Pas non plus journal au mou, mais, mais je faisais la différence par rapport à mon physique. Donc, j'ai tout de suite accroché, puis après tu fais les premières sélections, t'es content, ouais. Puis après t'en fais d'autres, puis au final t'es dans l'entonnoir, quoi. Ouais. Au final, si t'as vraiment envie d'y aller, si t'as vraiment envie d'y arriver, et que t'es dans l'entonnoir, ben t'y arrives. Et tu penses que t'avais vraiment envie d'y arriver? Parce que, je te dis ça, parce que pour moi, on est une génération, on a été juste bon, on nous a mis dans l'entonnoir, on nous a fait jouer au plus haut niveau possible. Mais moi, honnêtement, je pense pas que je voulais être pro. Comme par exemple ton petit frère, il est quelle année ton petit frère? 97. Voilà, qui est né 7 ans après nous, et que dès 14 ans, c'est normal de dire je veux être rugbyman pro. Moi, je suis pas parti de ces gars-là. Toi, qu'est-ce qu'il en était? Non, moi je voulais être rugbyman. Ah ok. Ok. Moi mon objectif c'était quoi? Non. De rentrer au Pôle Espoir et d'avoir la dotation. Ah oui. J'étais trop content qu'on me donne des affaires. Ouais. Nike pour m'entraîner et tout. Et non mais franchement oui, moi ça a toujours été un objectif. J'ai toujours voulu. Et c'est là que le plaisir s'efface un peu, petit à petit. C'est que, en gros, tu es dans la performance, tu es plus dans le plaisir. Mmh. Tu veux être fort, tu veux être le meilleur. Tu prends moins de plaisir. Mmh. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je connais. Tu prends moins de plaisir parce que t'as peur de mal faire, donc tu réfléchis, donc tu te remets en question. Et là, c'est à partir de ce moment-là que tu prends plus de plaisir. Mmh. C'est quand tu te remets en question parce que tu veux être performant. Le plaisir, il est toujours là quand tu t'amuses et que si tu loupes un truc, tu t'en fous. Ouais. Là, le plaisir, il y est. Mais le plaisir, il disparaît quand tu rentres... Dans la peur, tenter quelque chose. Ouais, dans la performance. Dans la fonction, ouais. Que tu veux être performant. Après, tu trouves aussi du plaisir en étant performant. Totalement. Mais c'est plus le plaisir enfantin, quoi. T'as plus le même plaisir que... Voilà. C'est plus du jeu. Mais en fait, tu vois, j'ai appelé le podcast Jour au Bimino. Ouais. Parce que l'année dernière, j'entraînais les U18 à Rouen. Ils me demandaient toujours... Hey « Eh Fabien, quand je suis en Chita à 10, est-ce qu'il faut que je me place comme ça ? Et quand j'attaque le joueur, est-ce que je dois attaquer l'épaule ?» Moi, je dis « Putain, mais me fais pas chier, joue au rugby, prends le ballon à donf et rentre-moi dans le tip, trouve-moi un intervalle. » Et on réfléchira après du placement des soutiens. Ah, c'est bon. Et quand on était minots, on faisait 2 contre 1, on tapait au pied, entre nous dans le jardin, et on s'éclatait comme ça. Mais non, un par-dessus parce que t'es un avant, t'as plus le droit de le faire. Putain, on a fait ça de 6 à 17 ans. Hein. Ouais, et on savait bien le faire, mine de rien. Oui. Maintenant, c'est plus comme t'as ça. T'as raison, c'est le plaisir performance. Mm. C'est-à-dire. Maintenant, tu prends du plaisir parce que t'es bon. Ouais, c'est ça. Et quand t'es pas bon, eh ben, alors là, même si on a gagné, dépression. Et même si on a gagné, mais toi, t'es deg de ton match parce que ouais, tu perds du crédit ou tu perds de, je sais pas quoi, tu perds de l'estime de toi aussi. Ouais. Ouais. Ah, mais c'est clair. Hein. Et donc, aux gamins, je faisais que leur dire joue au rugby. Joue rugby. Et un jour, j'étais remplaçant, je suis rentré, c'était en tribune, ils ont balancé ça. Hey, joue rugby, yeah. Et là, j'ai dit, putain, ça y est, je trouve le nom de mon podcast. Bah oui. C'est ce jour-là. C'est ça. Hein. C'est dommage, mais c'est une autre forme de plaisir. Puis après, je pense que aussi avec l'âge, tu prends du plaisir à... C'est vrai. À aussi être performant, quoi. Tu vois. C'est vrai, c'est vrai. Tu recherches une autre forme de plaisir. Enfin bon, voilà, après ça reste toujours un jeu, bien sûr. Puis le monde du rugby, il y a tellement de plaisirs différents. Le plaisir d'être entre copains, le plaisir de retrouver tes adversaires que t'as pas vu depuis 1000 ans à la fin du match. Le plaisir de rentrer sur la pelouse, de voir tout le stade qui est plein. Le plaisir, t'en as tellement. Le plaisir d'être dans les vestiaires. Plaisir d'être dans la salle des kinés, de balancer des saucisses. Non mais t'en as un million. C'est vrai, hein. De refaire le match sous la c'est douche. Ouf, j'ai fini, là. Tu refais le match sous la douche. Mmh. Si t'as perdu, tu parles doucement. Si t'as gagné, t'es mort de rire. C'est ça. Et ouais, il y a plein. Il y en a 8500 des plaisirs. Ouais, ouais, ouais, trop bien. Vrai. Trop bien. C'est vrai. Mais après, voilà, c'est plus le plaisir des enfants. Ouais. Ah ouais, je vois ce que tu dis. Ouais. Et donc, sur tes années à Montpellier, ton avis global ? Moi, mon avis global à Montpellier, c'est que j'ai progressé jusqu'à mes 20 ans. Ouais. Et après, mes années centre de formation, elles m'ont fait stagner. À cause de quoi ? Déjà, je pense que ça m'aurait fait du bien de partir et de connaître autre chose. Ouais. Ça faisait déjà longtemps que j'y étais. Ou faire un an, tu vois, j'aurais dû faire un an au centre de formation et après partir 2 ans. Et non, parce que j'adhérais pas franchement au message qu'on me passait, tout simplement. Et que je pense que de partir plus tôt, ça m'aurait fait le plus grand bien. D'accord. Parce que c'est au moment où je suis parti à Mont-de-Marsan que j'ai fait. Que j'ai reprogressé en gros. Quoi. Ouais. Et c'est. Je pense que déjà, d'être tous au même endroit, au centre de formation, c'est pas une très très bonne chose. Pour progresser ? Ouais, pour progresser. Pour grandir. C'est ça, puis je pense que le fait d'habiter seul, réellement seul, te fait beaucoup plus grandir que d'habiter en gros en coloc avec tes copains. Ouais. Dans le même immeuble. Voilà. Ou ouais. Non, maintenant, tu progresses moins, je pense. Puis le fait aussi d'avoir les infrastructures au même endroit, ouais, c'est pas bon ça. C'est vrai, tu vois rien. C'est pas bon parce que tu prends plus de plaisir à aller t'entraîner. Tu te lèves, en gros, tu as bouffé un truc et tu descends, tu te lèves 4 minutes avant la muscu, c'est pas bon. Je pense que ouais, si t'es loin et que tu prends ta voiture pour te déplacer, pour aller à l'entraînement, c'est différent de... Ouais, te lever 4 minutes avant, voilà, t'habiller et descendre. Ouais. C'est tout un truc qui fait que... Au final, c'est pas productif. Après, ils en sortent, hein, des joueurs, hein, chaque année, ils en sortent plein. Hein. C'est vrai. Hein. Franchement, t'as un taux de professionnels qui doit être de 80%. Hein. Mais... je pense qu'ils pourraient l'améliorer plus. Pour améliorer certaines choses. Ouais. Et non, c'était cool, mais... Ouais. Ça t'a pas fait chier de pas sortir à Montpellier ? Franchement, ce qui m'a fait chier, moi, c'est de pas jouer à la maison avec Montpellier, parce que j'ai fait qu'un match de Coupe d'Europe, ouais, merde, avec Exeter, ouais, tu m'avais dit. On avait gagné et tout, mais on m'avait même pas filé le maillot de match. C'est chiant. Et non, c'était... Ça m'a fait chier, ouais. Mais je suis hyper content que mon frère il le fasse pour moi. Ouais. Je suis fier de lui. Parce que lui. Bah après c'est que le début, hein. Ouais. Je souhaite qu'il continue, mais lui il est beaucoup mieux parti que moi pour faire un beau truc. Ouais. Donc il le fait un peu pour moi. Donc je suis un peu. Je vis un peu en lui, quoi. Mmh. Tu vois. Donc du coup j'essaie de le guider, qu'il fasse pas les mêmes erreurs que moi j'ai fait. Moi j'en ai fait beaucoup et avec le recul bah, tu te dis c'est con quoi, parce que dans le rugby ça se joue à peu, hein, de passer un palier ou pas, et des fois tu vas stagner sur un palier pendant 3 ans. Ouais. Pourquoi? Parce que t'as pas changé le tout petit truc. Alors moi en ayant un regard et un avis extérieur, j'essaye de le guider et qu'il fasse pas ces erreurs que moi j'ai fait, parce que voilà, j'ai envie qu'il aille le plus haut possible. Oui. Et voilà. Et en un mot, ta carrière, tu la décris comment? En un mot, ma carrière. Copain. Ouais. Ouais. Ouais, ouais. C'est vrai. Voilà. Ouais. Parce que pour moi, l'humain, c'est 90% du rugby. Et que tu gardes tellement d'amis dans ce milieu-là. Alors, toi, ça fait 4 ans ou 5 ans qu'on s'est pas vu, même, je sais pas, non. On s'est croisé sur un match, oui. Ouais, voilà, on s'est croisé sur un match, mais. Et ouais, depuis que t'es parti de Montpellier, quoi. Et là, on s'est retrouvé comme si on s'était pas vu depuis hier, quoi. Ouais. Ouais, mais c'est vrai. 6 ans qu'on s'est pas vraiment vu. Donc, c'est pour ça, je te dis. Tu gardes des souvenirs avec tout le monde. Moi, c'est ça que j'aimais. Mmh. C'est ça que j'aime, même maintenant. Hein. Parce que. C'est toujours pareil. Hein. Mais c'est ça qui me plaît dans le rugby. Après, il y a le terrain, bien sûr, mais. Oui. Mais moi, je suis vraiment pour l'humain et pour les aventures humaines qu'on a vécues. Quoi. C'est ça qui reste au final. Totalement. Au final, on ne se souvient plus du contenu d'un match si j'ai réussi 7 plaquages sur 8. Quoi. Ouais. Donc, ouais. C'est vrai. Souvenir. Et ton avis sur le rugby actuel ? C'est en train de se professionnaliser vachement, je trouve. Ouais. Moi, honnêtement, ceux qui crachent sur la professionnalisation, oui. je trouve que c'est pas vrai, enfin ils sont pas sincères quoi, parce que les mecs ils ont vécu du professionnalisme pendant des années pour au final quand ils arrêtent dire ouais y a trop d'argent, nani nana. Arrêtez les gars, vous avez vécu pendant X années avec le rugby, voilà, ça se professionnalise de plus en plus et tant mieux. Et c'est pas, faut pas dire c'est un rugby business ou quoi, non c'est pas vrai. C'est justement, ça attire de plus en plus de monde, c'est pour ça qu'il y a de plus en plus d'argent. Ouais. Et c'est tant mieux. Si on, si on garde nos valeurs en ayant un rugby de plus en plus professionnel et avec de plus en plus d'argent, ben c'est, on aura tout gagné. Pour tout le monde. Donc il faut quand même garder l'humain au milieu. Bien sûr. Ouais. Mais t'as vu, toi-même, dans certains clubs, tu l'as pas vécu, dans certaines saisons de ta carrière. De quoi ? Ben, cet aspect humain, cet aspect bande de fraille, cet aspect on craint des gains, on va tous nous crever, quoi. Oui, ouais, mais de toute façon, ça, ça existe, mais par petits groupes, maintenant. Ouais. Maintenant, ça va plus être un groupe de 22 mecs comme ça, ouais, ensemble. Maintenant, tu vas avoir un groupe de 7, ouais, un groupe de 6-7, un autre groupe de 8, un groupe de 5... C'est plus comme ça. Après, je te dis pas qu'on prend pas plaisir à se retrouver tous ensemble. Mais généralement, c'est, tu peux pas t'entendre avec tout le monde. Oui, c'est normal. Ouais. C'est comme la société. Voilà, dans la société, tu peux pas t'entendre avec tout le monde. Mais dans une équipe, c'est pareil. C'est comme une micro. Oui, une micro société. Micro société et chacun, chacun a des affinités, des attentes différentes des autres, quoi. Oui. Voilà, après, il y a tout le monde qui est bien intégré, généralement. Enfin, je veux dire, c'est pas parce qu'il y a un étranger que toi, t'es un Français, que tu vas pas lui parler ou quoi. Enfin, il n'y a pas ça, ça n'existe pas. C'est pas vrai. Donc, non, honnêtement, c'est... Moi, je pense que on est sur la bonne voie. Faut juste revoir les règles de santé pour se protéger et éviter qu'il y ait trop de blessures ou que ça devienne trop violent. Oui, t'en penses quoi d'ailleurs? Les drames que le rugby vit actuellement. Bah, c'est terrible. C'est affreux. Après, faut vraiment mettre en place des... Il faut qu'ils se penchent dessus, World Rugby, là, et qu'ils mettent en place des règles pour... Je sais pas comment ils vont faire, hein, franchement, je sais pas. Hein. Ouais, soit le plaquage à deux c'est fini, soit le plaquage en bas, et puis voilà. Hein. Voilà, ouais, mais il faut vraiment qu'ils mettent en place des règles pour protéger les joueurs. Parce que là, vu comme c'est parti, dans 5 ans, il y aura un mort par semaine, quoi. Ouais. Non, mais c'est vrai. Ah, ouais. Ou alors un blessé grave par semaine. Mais il faut que ça change. Parce que t'en avais pas des chocs comme ça il y a même 4 ans. Hein. C'est vrai. T'avais pas ça. Donc, je sais pas ce qu'ils vont faire, mais... Et toi, à part ta blessure, t'as eu mal sur un terrain de rugby? T'as déjà souffert véritablement? T'as des petits pépins, quoi, des coups, quoi. Oui. Ça fait toujours mal, mais bon. C'est pas une souffrance insoutenable. Non. Ouais. Non, bah après, entorse cervicale, ouais, j'ai eu... À part mes cervicales, franchement, j'ai jamais eu de problème. Hein. Mmh. Jamais été opéré, jamais été déchiré. Un peu des tendinites au coude ou quoi, mais... Jamais eu de problème aux membres inférieurs, non. Non, non, franchement, à part les coudes, les béquilles, ou les lendemains du match quand t'es rincé, quoi. Oui. T'as pris des coups partout. Mais sinon, non, jamais... Ça va, quoi. Ouais. Ouais. Et du coup, toi, tu me disais que tu es au comité directeur de Proval. Ouais. Donc, vous aussi, vous avez réfléchi. Enfin, c'est un sujet très important, j'imagine. La santé des joueurs. Vous avez des propositions? Ben. Vous y réfléchissez? Il y a une commission? Bien sûr, comment ouais, ça se passe? On est en train d'y bosser dessus, justement. Là, ouais. Pour. Par rapport à tout ça, parce que c'est. C'est hyper important. Déjà, La première... Déjà, ce qu'on veut mettre en place, c'est qu'il y ait un bilan de santé qui soit fait à tous les joueurs à partir de cadet, à chaque début d'année. Donc, joueurs et joueuses. Oui. Parce qu'aujourd'hui, les joueuses, elles n'ont aucun bilan médical de D'accord. début de saison. Quelle que soit la catégorie. Alors, donc en fait, là par exemple, il y en a de Montpellier qui ont été convoquées en équipe de France. Ouais. Donc en équipe de France, ça, bilan médical. Ben, elles ont dû passer l'IRM cervical. D'accord. Avec l'équipe de France, et elles se sont rendues compte à ce moment-là qu'elles étaient G3. Ah, d'accord. T'imagines le truc? Donc G3, explique vite. G3, en gros, ça veut dire interdit de jouer au rugby. Au rugby et, parce que les cervicales sont trop endommagées. Voilà. Et c'est fou. C'est effarant que. Deux comme ça. T'imagines? Ouais. Donc ça, il faut le changer absolument rapidement. Pareil, au niveau cadet, il faut faire tous les tests. Moi, je pense, à partir de niveau cadet, il faut faire électrocardiogramme, IRM cervical pour, presque, je dirais, pour tout le monde. Test d'effort. Ouais. Enfin, tout, là, la batterie de test complet, là. Faut tout faire. Oui, que nous on faisait parce qu'on était au pôle. Voilà, c'est ça. Mais que le collègue avec nous à Montpellier ou Toulon, on faisait pas. Voilà, personne ne le fait d'autre. Donc. Et même, il y a aussi un truc, moi je trouve que c'est le suivi de ton dossier médical. Moi qui ai fait 3 clubs depuis Montpellier, mais ce que j'ai fait à Montpellier, je sais pas où c'est. Toutes mes cervicales, toutes mes éco-cervicales, tous mes électrocardiogrammes. Et ça, normalement. Quand je change de club. Normalement, t'as un dossier médical informatisé. Ah, ok, donc normalement, mon club, c'est où c'est quoi. Normalement, oui. Mais moi, en tant que joueur, je sais pas où ça traîne. Normalement, voilà. Si tu demandes à ton médecin, il a un code. Ok. Avec à ton nom. Ouais. Ou normalement, tout est répertorié sur ton dossier médical informatisé. Ah, ça me rassure. Normalement, hein. Oui, oui, bah, je pense que c'est le cas. J'espère, vivement. Ouais. Après, ils l'ont mis en place, ça, je crois, il y a 2-3 ans. Donc. Oui, j'avais une réunion sur ça. Voilà. Donc, non, ça c'est important. Après, ce qu'on aimerait mettre en place, ça serait un coach mental salarié de Proval. Ouais. Salarié de Proval, que n'importe quel joueur, donc membre du syndicat, puisse contacter et travailler avec lui. Ça aujourd'hui c'est un outil qu'on n'a pas et que certains joueurs n'ont pas les moyens de se payer, donc forcément ça serait important de leur donner cet outil là donc ça on est en train de travailler dessus du coup pour créer un poste à Proval pour ça. D'accord. Ensuite on aimerait faire aussi un bilan post-carrière de tous ceux qui arrêtent leur carrière, parce qu'on est la première génération du rugby pro à s'entraîner tous les jours. Ouais. Donc pour voir voilà le passage à condition, voilà comment dans quel état les gars ils finissent leur carrière physiquement et mentalement, voilà. C'est un peu pour des études si tu veux, pour étudier pour les prochaines générations si tu veux. Oui, oui, je vois. Mais ça c'est un projet aussi on va essayer de mettre en place. Voilà, après on aimerait bien aussi mettre un service médical extérieur au club pour les matchs. C'est-à-dire qu'il y a un médecin un médecin hors indépendant hors rugby qui vient au match. Il est au match présent et quand il y a un choc ou quoi, c'est lui qui intervient. C'est lui qui intervient avec le médecin référent du club. Okay. Mais c'est lui qui prend la décision de sortir le joueur, par exemple. Oui, oui, je vois. En gros, pour pas subir les pressions du staff. Tu vois ce que je veux dire? Exactement. Donc ça aussi, on aimerait bien le mettre en place. Voilà, après, c'est à peu près tout. Après, on est en train de voir aussi pour la couverture des joueurs au niveau de l'assurance complémentaire d'accident. Oui. Voilà, parce que c'est important aussi. On aimerait bien le mettre en place que tous les joueurs la prennent et qu'elle soit payée à minima à moitié par le club. Donc c'est quand moi je prends ma licence. Ouais. c'est une assurance supplémentaire. Voilà. On dit toujours, je ne veux pas la prendre. Ouais. Ça. C'est ça. Donc là, ça serait prendre le stade supérieur. Là, ça serait la prendre. Ouais. Et qu'en gros, le club, il participe à moitié, voire en totalité. Suivant, ça, ça, c'est juste les prémices de, de tout ça. On en a juste parlé vite fait, mais je trouve que c'est hyper important pour... Totalement. Pour les joueurs, il faudrait que tout le monde l'ait. Oui. Donc voilà. Joueurs et joueuses. Bien sûr. Bien sûr. Donc voilà. Donc là, il me reste 5 minutes de batterie, Mathieu. Ouais. Peut-être rapidement, c'est quoi ta vie aujourd'hui? Comment ça se passe? C'est quoi ton quotidien? Donc 9 mois après? Ben, je suis toujours en rééducation pour mon dos. Oui. Voilà, c'est assez dur, franchement. Je suis dirigeant à Montpellier, donc du coup, je les aide de temps en temps. Je leur donne des conseils un peu quand ils me demandent ou quoi. Mais c'est quand même assez... C'est plus un regard extérieur. Oui. Et après, non, c'est surtout mon état de santé, de bien me retaper, de bien récupérer de ma blessure. Pour l'instant, c'est que ça, mon quotidien, parce que c'est trop handicapant, de toute façon, au jour le jour, quotidiennement, oui. Pour faire autre chose pour l'instant. Quoi. Pour l'instant, je peux rien faire. Donc non, c'est surtout ma santé pour le moment. Si je me fais réopérer, enfin, je vais me faire réopérer, donc voilà. Oui. Je pense surtout à ça en ce moment. C'est pas fini quoi, loin de là. Et tu gagnes comment ta vie? Ben, je suis toujours en accident de travail là. D'accord. Du coup, voilà, je fais le kiné 3-4 fois par semaine. Et voilà. Ok. Et tu vois comment ta vie dans un moyen terme? Je sais pas du tout. Ouais. Ça aussi, c'est très dur. C'est que vu que ça m'est tombé dessus sans m'y attendre, en fait, je suis perdu. Je sais pas ce que je vais faire. Ouais. Je sais pas du tout ce que je vais faire. C'est dur, c'est angoissant quand même. C'est angoissant de se dire. J'arrive même pas presque à réaliser que tout s'est arrêté encore. Oui. Puis je sais pas ce que je vais faire. Donc faut que je me bouge un peu, mais pour l'instant, comme je t'ai dit, mon état de santé, je peux même pas faire de formation, je peux pas rester assis pendant. Je peux pas rester assis pendant 4 heures à écouter quelqu'un parler. Je peux pas rester debout non plus, donc compliqué. Oui. Pour l'instant, je peux rien faire, donc j'arrive pas à me projeter, je suis un peu perdu. Ouais. Mais voilà, j'aimerais bien rester dans le monde du rugby quand même pour. Parce que c'est ce que j'aime. Quoi. Malgré tout. Ouais. Ouais. Donc voilà. On verra, mais pour l'instant juste mon dos et essayer de récupérer au maximum parce que là c'est pas encore ça. Ouais. Ouais. Bah écoute, merci Mathieu. De rien. C'était top. Merci Mathieu. De rien. Merci à toi.